peu slow pour que ça reste chaud. Je sais ce qu'il nous faut, c'est du jazz à gogo. Tous ceux qui l'aiment bien et moi qui l'aime bien, on va chanter ensemble pourvu que ça balance. Ça balance et dans tous les pays.